Samedi 27 octobre, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite du MGR Express de Jonquière au complexe sportif du secteur Dolbeau. Le coût d'admission, seulement 8 $. Venez voir du hockey de haut niveau, à faible coût, avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! Chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, on vous offre le F-150 neuf à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 5 000 $ en valeur totale, incluant 2 500 $ en allocation et livraison. Les membres Costco admissibles reçoivent aussi un rabais de 1 000 $. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Là où l'expérience est inégalée. Toute notre équipe vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multiconcessionnaire. On va parler avec Pascal Masson. Il n'y a pas parlé la semaine passée. Pascal n'avait pas eu le temps. Sauf que là, on va y parler parce que ça brasse encore pas mal chez les Alouettes. Une chance qu'on a, on a Kevin Reed pour donner mon prix citron de la semaine dans le monde du sport. Salut, salut Pascal. Salut Dan. Ouais, il est généreux là-dessus, Pascal Rock, Kevin Reed. On n'a pas bien besoin de chercher longtemps pour chercher notre prix citron, parce qu'encore cette semaine, Johnny Manziel qui dit que TVA Sports a lancé une nouvelle comme de quoi que Johnny Manziel était détesté dans le vestiaire. Aussi, Mike Sherman qui voudrait revenir, sauf qu'hier, semble-t-il, qu'il a été muet. Mais je veux t'emmener d'abord sur l'histoire de Johnny Manziel. C'est sûr que on serait malhonnête de critiquer Kevin Reed. On était tous contents lorsque Manziel est arrivé à Montréal. Mais on savait dès le départ qu'il avait payé extrêmement cher, mais ça nous prenait quelque chose pour relancer un peu la saison, relancer un peu l'intérêt. Là, ce que j'ai un bug, par contre, c'est est-ce qu'il a pris ces informations, si ça allait marcher dans le vestiaire, si ça aurait fité avec la gang? Parce que même si Manziel hier démentit la rumeur, écoute, c'est pas dur à voir que ce gars-là il doit jouer à vedette, puis ça doit taper ses nerfs à bien du monde. Surtout quand t'as 0-8. Quand t'as 0-8. Pardon? Quand t'as 0-8 puis que tu joues à vedette, là. Ouais, ben écoute, c'est ça, des carrières qui jouent à vedette, il y en a eu, puis il y en aura toujours. Puis je dis des carrières, des joueurs en général également. Cependant, tu sais, la source qui vient du vestiaire, c'est-tu un gars, c'est-tu deux gars, c'est-tu le vestiaire au complet? T'sais, moi, j'ai toujours bien gros de la misère avec ces cancans-là, parce que il s'agit qu'un gars dise que tout le vestiaire déteste Johnny Manziel, mais finalement, c'est un certain groupe. Puis, tu sais, je veux dire, en même temps, Johnny Manziel, il a pas toutes les chances de son bord. Hein. Comme tu dis, il est 0-8. Il est pas tout à fait content tout le temps de comment qu'il est géré face à certaines situations. Donc, il peut de façon émotive réagir, qui peut déplaire à certains. Tu sais, ce château de cartes-là, il est tombé ça longtemps. Puis moi je prends pas ça, là, l'histoire qui a été sortie par Charles-Antoine Sinot. Ah, okay. Moi, je le prends pas. Pas que je prends pas ça au sérieux, mais ça vient pas jouer pour moi dans mon plan de l'an prochain. Si je suis un DG. Là, on a Kevin Reed qui est un DG, fait que ça peut aller de tout bord, de tout côté. Mais techniquement, tu es allé chercher Johnny Manziel, tu as donné des choix de première ronde, tu dois bâtir alentour de lui, et puis tu dois t'assurer que ce gars-là va être heureux dans le vestiaire en lui fournissant une ligne à l'attaque et des receveurs de passe. Donc, Et est-ce que la passe que tu sais, la semaine passée dans le match, il a lancé, qu'il l'a retiré. Mike Sherman qui a retiré pour y aller avec la bombe avec Antonio Pitkin qui arrivait à froid. C'était n'importe quoi, ça. N'importe quoi, ça. Tu sais, je veux dire, on parle pas d'une passe qui. Les Alouettes n'étaient pas à leur 30, là, puis que ça prenait une passe de 80 verges, puis que Johnny Manziel. Tu sais, je veux dire, Johnny Manziel, il y a un bras NCAA et NFL, là. On s'entend-tu qu'il est capable de lancer 50 verges, là? Pour moi, ça, c'était n'importe quoi. ça, c'est la preuve que au niveau des coordonnateurs, ça fait défaut. Tu sais, je veux dire, la machine est brisée de partout. Là. Autant au niveau des joueurs que des coordonnateurs, que de la direction générale, que du propriétaire. Donc, on peut bien essayer de mettre le bobo sur Johnny Manziel, là, mais c'est clairement pas ça pour moi. Je veux te poser une question que Didier, mais juste poser à Blitz, et elle est très à propos. Y a-t-il un pilote à bord? Il y en a pas de pilote à bord. Non, hein? C'est ça le problème, il y en a pas de pilote à bord. Cavis Reed, là, est sur une autre planète en ce moment. Ouais. Et depuis le tout début, en fait, là, tu l'écoutes parler, c'est comme, à ma sort, quelqu'un qui compte démentir, mais il se croit, là, tu sais, ben qu'ils sont convaincus de ce qu'il dit. On dirait que... Puis t'as pas Patrick Boivin semble pas un gars fort, là. On va se dire les vraies choses, là. Patrick Boivin est très loin de Larry Smith. En tout cas, ça a l'air d'être difficile, hein, s'il vous plaît, là. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas rebâtir juste une équipe avec des joueurs autonomes. Non plus, là, tu peux aller chercher des bons joueurs autonomes, mais tu sais aussi son joueur autonome, c'est parce qu'il y a eu un problème quelque part également, tu sais, où ils veulent revenir dans leur ville. Mais les bons joueurs qui veulent revenir à Montréal, c'est pas comme s'il y en a 25 non plus, là. Oui, effectivement. Mais là, Pascal, je vais te poser une question, OK? Johnny Football va survenir avec les Alouettes. Il est encore sous contrôle l'an prochain. Menzel, on sait pourquoi il est dans les Canadiennes. C'est pas parce qu'il veut faire carrière dans les Canadiennes de football. C'est parce qu'il y a un plan très précis de retourner en 2020-21 dans la NFL. C'est son plan précis. Il y a la Ligue Alliance qui s'en vient. La Ligue Alliance qui va démarrer en février. Qui est une ligue que moi je commence à regarder pas mal parce que je regarde ce qui se passe un peu, qui semble une ligue de printemps sérieuse. Une ligue qui veut se lancer, vas-tu être intéressé par Johnny Manziel? Et pour Manziel, ben, quelque part, c'est beaucoup plus facile parce que ça va être du football américain. Ça va être il n'y aura pas à apprendre toutes les rudiments du football canadien. Est-ce que Menzel, d'après toi, pourrait être tenté? Ou il y a toujours la carrière de commentateur aussi, qui est plus payant encore que dans les Canadiennes? Ouais, ben écoute, pour ce qui est de la Ligue, la nouvelle Ligue aux États-Unis qui va démarrer ou qui démarrera peut-être. Elle va démarrer, c'est sûr. Ouais, mais c'est pas la première fois que ce genre de Ligue-là aux États-Unis. Le problème avec ces Ligues-là, c'est... à quel niveau elle va perdurer dans le temps. Parce que, tu sais, quand ça démarre, il y a toujours des propriétaires, des gens d'affaires qui sont en mesure d'acheter un club, d'offrir des salaires. Mais pour combien de temps? Parce que ce qui va faire que cette ligue-là dure ou pas, c'est la popularité de la ligue. On a essayé toutes sortes de recettes aux États-Unis depuis... Par contre, Pascal, ce que je vais te dire là-dessus, parce que pour suivre les activités un peu, puis suivre un peu, m'informer un peu ce qui se passe là, avec cette ligue-là, c'est Dick Ebersole, qui est l'ancien président d'NBC Sports, qui est en tête de ça, donc c'est des gens sérieux. Ils ont CBS qui est en arrière également, le réseau CBS. C'est sûr que la XFL, t'avais NBC, mais par contre, tu sais, puis de ce que je peux voir, ils semblent pas être en compétition avec la NFL, ils veulent travailler en collaboration avec la NFL, parce qu'il y a plusieurs anciens... coach de la NFL qui vont diriger là-bas. Donc, ça semble un peu sérieux. Mais tout ça à dire, Manziel, ça pourrait être un candidat intéressant si tu veux vendre ta ligue, non? Mais ça peut être intéressant parce que c'est pas une ligue qui va durer si longtemps avec ça va être quoi le salaire. Puis, tu sais, je sais que la CFL, c'est pas des salaires incroyables, non. Mais c'est quand même des salaires plus respectables que la Arena Football League, ben, des affaires comme ça, tu sais. Fait que c'est ça qui va un peu jouer. Est-ce que les athlètes vont profiter de cette ligue-là pour jouer dans deux ligues? Ça va être permis. Les joueurs de la Ligue canadienne vont avoir le droit de jouer dans la Ligue Alliance et vice-versa. C'est ça. Donc, est-ce que ça va être peut-être plus un complément à la Ligue canadienne de trouver des joueurs en action, justement, de venir les chercher? Moi, je pense que Johnny Manziel, là, en ce moment, là, si j'ai un... si j'ai un petit 5 à mettre, je le mettrai pas dans la catégorie, il va retourner dans la NFL un jour. Non, hein? OK. Je pense que Johnny Manziel, il va rapidement se rendre compte, si un an ou deux, que s'il veut continuer à jouer au football, ça va être dans ces ligues-là. Dans la Ligue Alliance, dans la CFL, puis essayer de se faire un bon nom puis une belle carrière. Pour ce qui est de commentateur, ben là, au niveau des gros réseaux, je pense pas qu'on va aller chercher Johnny Manziel, là. Mais dans l'NCA, il fait très bien. Il marche pour commentateur dans l'NCA. Mais ça, c'est toujours possible, hein, Danny. Ouais. Mais qu'est-ce que le gars veut faire? Veux-tu jouer au foot? Ouais. Parce que s'il veut jouer au foot, à un moment donné, il y a des options. Puis les options diminuent face à qu'est-ce qu'il était capable de prouver, tu sais. Est-ce qu'il est capable de prouver qu'il peut retourner dans la NFL? Ouais. Ou s'il est pas capable puis il veut jouer au foot, il reste la CFL puis ces autres ligues-là. Ouais. Donc, ça, c'est sûr que ça, c'est le futur qui va nous le dire. Mais moi, si j'avais à prédire l'avenir, je crois que Johnny Manziel, s'il veut jouer au football, il va falloir qu'il revienne solide l'an prochain, puis que l'équipe lui donne les rênes, puis qu'il prouve qu'il est en mesure de jouer. Puis il y a une belle année d'apprentissage. Ouais. Là. Ouais. Ça peut pas être pire pour lui d'être dans la situation qui a été cette année à Hamilton puis avec les Alouettes. Donc pour moi, c'est positif pour le joueur. Espérons que ça le sera pour l'équipe. OK. Je veux t'aller sur d'autres éléments d'actualité. Décès de Rod Ross cette semaine. De Rod Ross, qui était l'ancien entraîneur-chef des Alouettes de Montréal, était entraîneur-chef également des Patriots de Nouvelle-Angleterre. Est-ce que tu as joué pour Rod Ross? Non, j'ai pas joué pour Rod Ross, okay. Mais j'ai entendu parler beaucoup du bonhomme, de l'homme qu'il était, là, puis effectivement, ça a été une belle marque pour notre football ici à Montréal, puis au Québec. Rod Ross était un homme respecté avec des connaissances et une expertise incroyable. C'est un gars, par contre, je regardais sa fiche comme entraîneur-chef avec les Pats. C'est sûr que les Pats, dans ce temps-là, c'était loin d'être les Pats d'aujourd'hui. C'est pas, là. Ça ressemblait plus aux Browns de Cleveland de 2 ans. Là. Ouais, ouais. C'était les Pats avec le bonhomme en 3 points d'appui sur le casque. Ouais, exactement. Puis, par contre, avec les Alouettes, ça n'a pas été également une expérience concluante. Mais il y a de ce genre de personnages-là, Pascal, qui sont très bons comme coordonnateur, mais quand il arrive comme entraîneur-chef, ça ne marche pas. Exemple, Wade Phillips. Ben, c'est ça. Wade Phillips en est un autre cas. Ouais. C'est ça? Ah oui, c'est exact. Le rôle d'un coordonnateur et d'un entraîneur-chef est complètement différent. Ouais. Un coordonnateur là, doit se préparer, surtout tactiquement, à décortiquer l'équipe adverse, à trouver les faiblesses, il joue aux échecs. Tu sais, contre un autre coordonnateur. Tandis que l'entraîneur-chef, c'est un gestionnaire. Lui, il gère du personnel. Il gère des entraîneurs et il gère des joueurs. Mm. Donc, c'est pas les mêmes qualités que ça prend. C'est sûr que pour faire tes masques, tu dois devenir un bon coordonnateur, un bon entraîneur de position, un bon coordonnateur, puis ensuite un entraîneur-chef. Sauf que c'est pas tout bon coordonnateur. Comme c'est pas tous les bons joueurs qui vont donner des bons entraîneurs. Mais non, c'est sûr. On le voit quand Danny Calvillo, c'est pas si. Pas concluant. C'est pas comme une évidence même, là. Il doit faire ses classes, tu sais. Puis ça avait l'air d'aller vite l'année passée comme coordonnateur, hein. Ben, c'est ça, tu sais. Ça avait l'air d'aller très vite. C'est la même chose quand t'as à gérer ta petite personne, ensuite t'as à gérer un groupe d'individus versus une tactique d'unité. Ensuite, quand tu as à gérer plusieurs groupes et prendre des décisions. Puis quand tu es entraîneur-chef, c'est plus que tu montes, plus que la décision appartient à toi et ça va être toi la seule personne conséquente de cette décision-là. Donc, tu sais, un coordonnateur qui prend une mauvaise décision dans un match va être blâmé, mais ultimement, il y a eu l'accord de l'entraîneur-chef. Ouais. Mais je voudrais t'emmener, c'est intéressant ce que tu m'emmènes, puis je veux t'emmener là-dessus. Comment se fait-il, Pascal, on parle de coordonnateur, là on va bifurquer vers la NFL, puis on va revenir pour un dernier point sur les Canadiens. Comment se fait-il qu'un gars comme Bill Belichick, qui a eu plusieurs étudiants, là, entre autres Charlie Weiss, Romeo Crennel, McDaniels, Mike Vrabel cette année, comment se fait-il qu'ils se sont tous plantés? Il n'y en a pas un qui a réussi. Là. Tout ce qu'on appelle les étudiants de Bill Belichick, il n'y en a pas un. Nick Saban va très bien. Nick Saban est à l'Alabama, va très bien. Par contre, dans la NFL avec les Dolphins, ça a fait patate aussi. Mais se fait-il? Ben, parce que, selon moi, personnellement, parce que je connais aucun de ces individus-là personnellement, là, mais moi, ce que je crois, c'est que Bill Belichick rend tout le monde meilleur alentour de lui. Parce que Bill Belichick, c'est un gestionnaire incroyable. Donc, lui, il a exactement le prototype d'un entraîneur-chef. OK? Mm. Si tu regardes, exemple, on va dire Tom Brady. Ouais. Regarde tous les receveurs de Tom Brady qui ont réussi à rendre bon, qui ont décidé de partir. Wes Welker. Danny Whitehead. Voyons. Ouais. Ils sont partis ailleurs et puis ils sont pas de. Tu sais, ils ont rien fait finalement. Mm. Tu sais, il y a des personnes de même qui vont rendre le monde alentour d'eux meilleur. Bill Belichick fait partie de cette catégorie-là comme entraîneur où il est en mesure d'encadrer ses coordonnateurs pour que ces gars-là soient en mesure de bien performer et probablement. Il leur amène plein de points dans la semaine qui fait que leur préparation est optimale. Exemple, Josh McDaniels de McDaniels, qui est un excellent coordinateur. Mais tu sais, Bill Belichick, là, il a une expertise défensive super bonne. Okay? Fait que lui, il parlait à Josh McDaniels et disait, l'autre bord, là, tu checkeras leur corner côté court. À chaque fois qu'ils font tel coverage, ils mordent sur telle affaire. Je pense que tel. Tu sais, c'est ce genre d'entraîneur-là. Donc, Josh McDaniels a une information supplémentaire, puis est en mesure de préparer encore mieux son équipe. Puis là, ben, les propriétaires des autres clubs veulent aller chercher du monde qui ont du succès. Ben donc, si le coordinateur offensif des Patriots a beaucoup de succès, il dit hey, tabarouette, on l'essaie-tu comme entraîneur-chef? Tu sais? Fait que là, boum, il va le chercher pour finalement se rendre compte, ouais, au niveau de la gestion de l'équipe, c'est pas l'individu qu'on a de besoin. Par contre, comme coordonnateur, hey, il connaît son affaire, il est préparé au maximum. Tu sais, regarde Jacques Chapdelaine. Ouais. Jacques Chapdelaine, là, c'est un gars comme coordonnateur offensif qui. Tu sais, connaît exactement tout, un cahier de jeu très complexe. Quand on arrive dans la relation humaine comme gestion d'équipe, ça a tout le temps été plus difficile. Puis universitaire et collégial, là, c'est la même affaire, parce que Chapdelaine, comme entraîneur chef, a gagné à la Coupe Vanier avec le Rouge et Or. Ah, il me reste rapidement, Pascal, parce qu'on pourrait parler longtemps. Justement, Hugo Richard, qui a réussi un titre cette année avec le Rouge et Or, qui a une page d'histoire. Hugo Richard, aurais-tu le potentiel pour être dans les Canadiennes? Je pense que le potentiel, oui. Oui. La confiance, par contre, le potentiel. Ouais. Ben, c'est ça. C'est la confiance, hein? C'est toujours ça, hein? Ouais. Ben, la confiance, c'est parce que c'est quand le moment où moi je pense tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une obligation de la Ligue canadienne d'avoir un carrière canadien parmi les quatre carrières dans ton équipe. Il n'y aura pas de développement qui va se faire. Ouais. Donc, quelqu'un va donner une chance à Hugo Richard. Il va réussir à s'établir sur l'équipe de pratique, peut-être. Mais il verra jamais le terrain. Il n'aura jamais... Puis, un moment donné, il ne sera plus là, puis on ne le saura pas. Puis ça, ce ne sera pas à cause qu'Hugo Richard n'est pas capable d'être carrière. Là. Ça va être parce que il est mort L'époque de Ross Jackson, qu'est-ce qu'il a fait? Je me rappelle pas, j'étais trop jeune, mais je me demande qu'est-ce qu'il a fait que Ross Jackson est devenu corps avec les Riders d'Ottawa, parce qu'il a connu une belle carrière, Ross Jackson, puis il venait des rangs universitaires, je pense, le Canadien. Mais peut-être parce que aussi, je sais pas, là, moi non plus, là, je pourrais pas dire, mais peut-être parce que le nombre de corps américains, le nombre d'Américains qui voulaient venir au Canada était peut-être plus... Plus rare ou tu sais, c'était plus difficile d'amener des Américains. Peut-être maintenant, tu sais, il y en a tellement de joueurs américains qui connaissent la Ligue canadienne. T'sais, la Ligue canadienne est beaucoup plus connue qu'elle l'était de l'autre côté de la frontière. Donc ça, ça peut avoir un impact. Mais tu sais, moi, il y a Calgary qui avait donné la chance à Buckley, qui a vu du terrain, qui a bien fait, qui aurait peut-être pu être un quart arrière, tu sais, qui un jour joue plus qu'une game ou joue plus que quelques snaps dans un match, sauf qu'il est retourné en médecine. Si je pense que si lui a réussi à le faire, moi je pense qu'Hugo Richard peut faire ça aussi. Ben oui. Mais tu sais, moi je pense à un gars comme Mathieu Bertrand avec qui moi j'ai joué, qui avait le gabarit, qui avait la puissance du bras, qui avait le quotient, l'intelligence du football canadien. On a décidé de le transformer comme centre arrière, puis il a connu toute une carrière. Mm-hmm. Moi dans ma tête quand j'ai vu ça, je me suis dit il n'y aura jamais un corps canadien. Il y en a pas un actuellement là qui est en train de dominer, qui est en train de tout battre les records du RSEQ. Tu dois le savoir, je l'ai vu ça passer cette semaine là. Il y en a pas un actuellement là qui joue dans le football collégial. Tu dois le savoir. Il y en a plusieurs, bons corps en ce moment ouais. Non, qui sort plus l'eau clos. Un Québécois. T'as vu des Rams là. Ouais. Un Québécois. Je vais essayer de. Pendant que tu parles, je vais essayer de le retrouver, là. Écoute, statistiquement, j'ai pas les statistiques de l'anniversaire canadien. En ce moment, je me suis pas mis le nez là-dedans, mais je sais que chez les Rams de Regina, il y a un excellent corps arrière que j'avais vu au East West Bowl. Là, son nom m'échappe, là. Lui, il finit, là, c'est sa cinquième année, sauf que c'est un carrière d'à peu près 5 et 10, gros okay. maximum, là. Fait que ça, physiquement, ça va être difficile au niveau professionnel. T'as Martin, qui était avec Western, qui est excellent également. Il n'est pas encore rendu. Il serait pas rendu encore au niveau universitaire. Il serait encore au collège. Ah, mais là, toi, tu parles de Jonathan. Jonathan. OK, mais Jonathan Sénécal, c'est un carrière collégiale en ce moment. Il est à sa deuxième année collégiale et a battu pratiquement tous les records, dont les records d'Hugo Richard, au niveau universitaire, en seulement 2 ans, là. Il reste 1 an à jouer. Fait que lui, c'est-tu la NCAA qui va l'attendre? Donc, Jonathan Sénécal, vous le verrez pas au Canada, là. Lui, il va aller jouer aux États-Unis l'an prochain. Là. Okay, pas l'an prochain, dans 2 ans. On parle de quoi? Première division? Peux-tu parler de grosses universités? Ou peux-tu parler de petites universités? Je serais pas surpris, moi, qu'on le voit dans une université respectable. Là. On parle pas d'une université comme Alabama ou C'est pas être Syracuse ou quelque chose de même. C'est New Hampshire, peut-être c'est Boston, tu sais des équipes un peu plus up north là, proche de la frontière, mais qui recrutent au Canada, mais je suis persuadé que ce joueur-là va avoir une opportunité au niveau américain, puis qu'il va la prendre, c'est sûr. Écoute, au niveau collégial, collégial, je parle pas universitaire, là, je parle collégial québécois là. Il fait partie de la catégorie des joueurs comme Mathieu Betts. OK. Des Mathieu Betts, des Jonathan Sénécal. C'est des joueurs qui passent aux 10, 20 ans, là. Tu sais, des Mathieu Betts, depuis que moi, je suis collégial, je n'avais pas vu à cette position-là vraiment, tu sais. Lui était spécial, puis on le voit au niveau universitaire qui est extrêmement spécial. Okay. Il est allé au niveau. Lui, il a décidé de devenir. Il est resté au Québec, de jouer universitaire canadien. C'était sa décision. Je pense que Jonathan Sénécal, lui, il a plus l'optique d'aller jouer aux États-Unis. Okay. Et il est exceptionnel. Exceptionnel. Moi, je l'ai vu lancer une passe dans les airs, là. Une passe de 65 verges. Ah! Okay. Pas un toucher de 65 verges que le receveur attrape et court, là. Une passe dans les airs. C'est sûr que tu sais, c'est un carrière de 6 pieds 1. Peut-être que sur une feuille, on pourrait l'étirer. Tu sais, sur le roster, on pourrait l'étirer à 6 pieds 2. Là. Il est pas si grand, mais il bouge dans la pochette. Il a un bras canon. Il a une précision incroyable. Puis en plus, il est athlétique. Ouais. Ben, tu l'as vu, Baker Mayfield, t'as vu des Drew Brees, des Russell Wilson, ça veut pas nécessairement dire parce que t'es petit que t'es voué à l'échec, là. Non, ouais. C'est plus la porte d'entrée, des fois, qui est plus dur. C'est plus dur, mais il y a quelqu'un qui va lui donner une chance, puis il va performer aux États-Unis, je suis convaincu. Mais lui, on peut le voir dans les Canadiens dans quelques années? Ben, tu sais, là, on est loin de ça, mais... Il va avoir le potentiel. Ouais, c'est parce qu'à cet âge-là, ils sont tellement jeunes, encore, ouais. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, tu sais. Mais ouais, tu sais, si, admettons, je le vois dans la CFL dans quelques années, dans, mettons, 6 ans, je vais pas être surpris. Okay. Je vais pas me dire, je l'avais pas vu venir, celle-là. Okay. Tu sais, je veux dire, ce gars-là est exceptionnel en ce moment-là. OK. Ben, Pascal, on va se parler vendredi prochain. Fait que ça va être le dernier match. Et en passant, ma prédiction elle tient toujours. 3 victoires, 15 défaites. Mais là, j'ai l'impression que ça se décide en fin de semaine. Si on perd en fin de semaine, je vais gagner ma position parce qu'on va perdre le dernier match. C'est pas drôle. Sinon, ça va ressembler à la tienne avec 5 victoires. Toi, t'avais pas dit quoi, 5 victoires? Ah, c'est ça. Ouais, OK. Fait que, moi, j'avais dit 5, ouais. Ouais, OK. Mais sauf que moi, j'ai dépassé, moi, là. À The Price is Right, quand tu dépasses, tu gagnes pas, là. OK, c'est sûr. Pascal, on s'en reparle. C'est toi qui gagne, Dan. All right. Pascal Masson, notre collaborateur de la CFL.